Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. La nuit que les Troyens ont passée devant le mur des Achéens, Ulysse et Diomède ont pénétré leur campement et volé leurs chevaux. Le lendemain, l'affrontement a repris avec une férocité effroyable. Les Achéens étaient en train de terrasser leurs ennemis quand Agamemnon, blessé, dut abandonner le combat. Alors Hector exhorta ses hommes à se relancer dans la bataille. Ils lui obéirent avec une ardeur telle que les Achéens croient maintenant leur fin arrivée. Sixième épisode. Sarpédon, Ajax de Télamon, Hector. Il y avait ce fossé, tout autour du mur que les Achéens avaient construit pour défendre leur navire. Hector nous criait de le franchir, mais les chevaux ne voulaient rien savoir. Ils plantaient droit leurs sabots, ils hennissaient, terrorisés. Les rebords étaient escarpés, et les Achéens avaient planté des pieux pointus tout le long. Imaginez passer là avec nos chars, c'était une folie. Polydamas le dit, il le dit à Hector, il lui dit que c'était trop risqué de descendre là-dedans. Et si les Achéens contre-attaquaient? Nous nous serions retrouvés en plein milieu du fossé, pris au piège, et ça aurait été un massacre. La seule chose à faire, c'était de descendre des chars, de les laisser avant le fossé, et d'attaquer à pied. Hector lui donna raison. Lui-même descendit de son char et ordonna à tous d'en faire autant. Nous nous répartîmes en 5 groupes. Hector commandait le premier, Paris le second, Hélénos le troisième, Énée le quatrième, le cinquième, c'était le mien. Nous étions prêts à attaquer, mais en vérité, quelque chose nous retenait encore là, au bord du fossé, hésitant. Et ce fut alors qu'apparut dans le ciel un aigle. Il volait très haut au-dessus de nous, et il tenait dans ses serres un serpent énorme, couvert de sang, mais encore vivant. Et tout à coup, le serpent se retourna et mordit l'aigle à la poitrine, tout près du cou. Et l'aigle, transpercé de douleur, lâcha sa proie, comme s'il la jetait, juste au milieu de nous, et vola au loin avec d'horribles cris aigus. Nous regardâmes tomber ce serpent, tout diapré, puis nous le vîmes sur le sol, au milieu de nous. Et nous frissonnâmes, tous. Polydamas courut trouver Hector et lui dit « As-tu vu l'aigle ? » Juste au moment où nous allions descendre dans le fossé, il a volé au-dessus de nous, et tu as vu ? Il a dû lâcher sa proie. Il n'a pas pu l'emporter dans son nid pour ses petits. Sais-tu ce que dirait un devin, Hector ? Que nous croyons nous aussi avoir notre proie en main, mais qu'elle nous échappera. Peut-être arriverons-nous au navire, mais nous ne réussirons pas à les prendre. Et à ce moment-là, une fois franchi le fossé, la retraite voudrait dire le massacre. » Hector le regarda avec fureur. « Polydamas, tu plaisantes ou bien tu es devenu fou ? Je crois à la voix de Zeus, pas au vol des oiseaux. Et cette voix m'a promis la victoire. » Des oiseaux. Le seul présage auquel je crois, c'est la volonté de se battre pour sa patrie. Tu as peur, Polydamas. Mais ne t'inquiète pas. Quand bien même devrions-nous tous mourir sous ce mur, tu ne risques rien. Car tu n'arriverais pas jusque-là, couard comme tu es. Puis il commença d'avancer vers le fossé, nous entraînant tous derrière lui. Il s'éleva une tempête de vent qui faisait peur. De la poussière partout, qui montait jusqu'au pont des navires. Les Troyens traversèrent le fossé et se lancèrent contre notre mur. Ils secouaient les créneaux des tours, ils abattaient les parapets. Ils essayaient de déchausser les piliers qui maintenaient l'ensemble. Nous nous tenions tout en haut, nous protégeant derrière nos boucliers de cuir et frappant chaque fois que nous le pouvions. Des pierres volaient de partout, comme des flocons de neige dans une tourmente l'hiver. Nous aurions pu nous en sortir, le mur résistait bien. Mais Sarpédon arriva, avec son énorme bouclier de bronze et d'or tendu devant lui et 2 lances dans son poing. Il arriva sur nous comme un lion affamé. J'étais là, au milieu de la foule. Il y avait Glaucos à mes côtés. Damnation, Glaucos ! Sommes-nous, oui ou non, les meilleurs d'entre les Lyciens ? Ceux que tous honorent et regardent avec adoration ? Alors finissons-en. Montons sur ce maudit mur. Il faut bien mourir d'une façon ou d'une autre. Alors mourons ici. Au moins nous apporterons sa gloire à quelqu'un. Ou quelqu'un nous l'apportera. Et avec Glaucos et tous les Lyciens, j'attaquais. Ils les virent arriver du haut d'une des tours, et ils se mirent à crier, mais personne ne les entendait. Il y avait un tel vacarme. Finalement, ils envoyèrent un messager. Il vint vers moi, et il me dit « Ajax, les Lyciens ont attaqué en masse le mur à la tour défendue par Teucer. Cours, nous avons besoin d'aide. » Je me mis à courir, et quand j'arrivai là-bas, je vis qu'ils étaient à bout de force. Il y avait une pierre énorme, posée sur le parapet du mur. Je la pris et la levai en l'air. Je me demande avec quelle force, vraiment, elle était énorme. Mais je la levai en l'air et la lançai sur la tête des Lyciens. Et pendant ce temps, Teucer, avec son arc, atteignait Glaucos au bras, à l'instant même où il finissait d'escalader le mur. Il l'atteignit au bras, et Glaucos se laissa tomber en bas du mur. Il l'avait touché. Et lui, il alla se cacher vers l'arrière. Il voulait qu'aucun Achéen ne puisse voir qu'il était blessé, vous comprenez? Il ne voulait donner cette gloire-là à personne. Moi, je fus aveuglé par la colère. J'étais juste au sommet du mur. J'empoignais le parapet. Et avec toute la force que j'avais, je l'arrachais. Je vous le jure, il se détacha tout d'un bloc. Et au diable le parapet. À présent, nous allions pouvoir passer. Nous nous retrouvâmes face à Sarpedon. Il avait tourné son bouclier sur ses épaules pour escalader le mur, et il nous arrivait dessus comme ça, sans protection. Teucer lui décocha une flèche droit dans la poitrine. Mais il avait de la chance, cet homme-là. La flèche arriva sur la sangle de cuir du bouclier, elle traversait sa poitrine, et la flèche alla se planter exactement là. Je me mis à crier aux autres. « Damnation, il faut que je le prenne tout seul, ce mur ! Où sont-ils donc, votre courage et votre valeur ?» Alors tous se ruèrent dans la brèche, et il y eut une lutte terrible. Les boucliers légers cédaient sous les pointes de bronze. La tour se couvrit de sang troyen et achéen. Nous attaquions, mais nous n'arrivions pas vraiment à l'emporter. C'était comme une balance qui oscillait, toujours en équilibre. Le plateau des Achéens ne se décidait pas à descendre, comme si ça devait durer toujours. Quand brusquement, on entendit la voix d'Hector, qui criait « En avant ! En avant ! Au mur ! Au navire !» Et ce fut comme si cette voix nous poussait vers le haut, par-delà le mur. Hector était devant une des portes du mur. Il s'approcha d'un rocher énorme qui était sur le sol et se terminait par une pointe aiguë, tranchante. Il le souleva. Et je vous jure, c'était quelque chose d'énorme. Deux hommes auraient eu peine à le porter. Mais lui, il le souleva à bout de bras, au-dessus de sa tête. Nous le vîmes faire quelques pas vers la porte du mur, puis, de toute sa force, lancer ce rocher contre les battants. Le coup fut tel que les gonds sautèrent. Le bois de la porte se fendit. Les serrures cédèrent d'un seul coup. Rapide comme la nuit, Hector avança dans le gouffre ouvert, splendide dans le bronze qu'il revêtait, deux lances à la main, les yeux ardents comme du feu. Je vous dis que seul un dieu aurait pu l'arrêter à ce moment-là. Il se tourna vers ses guerriers et leur cria à tous d'avancer, de franchir le mur. Nous les vîmes arriver. Ils passaient par la porte démolie, où ils escaladaient le mur de tous les côtés. Tout était perdu. Nous ne pouvions plus que nous enfuir. Et nous nous enfuîmes vers nos navires et tout ce qui nous restait. De sa tente, Nestor, le vieillard, nous vit, en fuite, avec derrière nous le mur détruit et les Troyens à nos trousses qui nous poussaient vers les navires comme une flamme, comme une tempête. Il courut chercher les autres rois qui gisaient, blessés dans leur tente. Diomède, Ulysse, Agamemnon. Ils se mirent ensemble à observer le champ de bataille, appuyés sur leur lance, le cœur serré d'angoisse. Agamemnon parla le premier. Il l'avait promis Hector. Il l'avait bien dit, qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir mis le feu à nos navires. Et maintenant le voilà, il arrive. Hélas, je sens que tous les Achéens couvent de la colère contre moi, comme au temps d'Achille. Et tôt ou tard, ils refuseront de combattre encore. Nestor regardait fixement cette reddition désespérée. Malheureusement, le mur que nous espérions une défense inviolable pour nous et nos navires s'est écroulé, dit-il. C'est un fait, et même un dieu ne pourrait rien y changer. Maintenant, il faut trouver quoi faire. Les nôtres sont en déroute, et dans le chaos le plus terrible, ils essaient d'échapper au carnage. Il faut faire quelque chose, mais je ne crois pas que ce soit aller combattre. Vous êtes blessé, et je suis vieux. Nous ne pouvons pas combattre. Alors Agamemnon dit, « Si nous ne pouvons pas combattre, fuyons. » Il disait ça, lui, le roi des rois. « Voici mes ordres. Attendons la nuit, puis, à la faveur de l'obscurité, mettons nos navires à la mer et partons. Il n'est pas honteux de se soustraire à un désastre. Et si le seul moyen d'en réchapper est de fuir, c'est fuir qu'il faut. » Ulysse le regarda avec des yeux féroces. « Quelle parole franchit donc tes dents, Agamemnon, malheureux ? Va donner ce genre d'ordre à quelqu'un d'autre, mais pas à nous, qui sommes des hommes d'honneur et qui avons pour destin de dévider le fil des dures batailles, de la jeunesse à la vieillesse, jusqu'à la mort. Tu veux abandonner Troie, quand nous avons supporté pour elle tant de malheurs ? De telles paroles ne devraient jamais venir dans la bouche d'un homme qui tient en main le sceptre du commandement. » Agamemnon baissa les yeux. « Tu me blesses au cœur, Ulysse, avec tes paroles. Et c'est vrai, je ne veux pas vous ordonner de fuir si vous ne voulez pas le faire. Mais que pouvons-nous faire d'autre ? Y a-t-il quelqu'un, jeune ou vieux, qui ait une idée ? Je l'écouterai. » Alors se dressa Diomède, qui de nous tous était le plus jeune. « Écoute-moi, Agamemnon. Je sais que je suis plus jeune que toi, mais laisse de côté l'envie ou la rancœur et écoute-moi. Même si nous sommes blessés, revenons dans la bataille. Tenons-nous loin du cœur de la mêlée, mais montrons-nous. Il faut qu'ils nous voient. Ils nous verront et ils retrouveront leur courage et l'envie de combattre. » Il était le plus jeune, mais à la fin, ce fut lui qu'ils écoutèrent, parce qu'ils n'avaient pas le choix, et parce que leur destin, notre destin, c'était de dévider le fil des dures batailles, de la jeunesse à la vieillesse, jusqu'à la mort. Nous chargeâmes en masse, tous derrière Hector. Comme un rocher qui, en tombant du haut d'une montagne, roule et rebondit, faisant retentir la forêt sur son passage, et qui ne s'arrête pas avant d'être arrivé dans la plaine, cet homme voulait arriver jusqu'à la mer, jusqu'au navire, jusqu'aux tentes des Achéens, en semant la mort. Autour de lui faisait rage la bataille qui anéantit les hommes, hérissée de lances acérées. Nous avançâmes de partout, éblouis par l'éclat d'une splendeur faite de casques luisants, de cuirasses étincelantes et de boucliers brillants. Comment oublier cette splendeur ? Mais moi, je vous le dis, il n'y a pas de cœur assez fier qui ne puisse regarder cette beauté sans en être épouvanté. Et c'est épouvanté que nous étions, là, fascinés, mais épouvantés, pendant qu'Hector nous incitait à aller de l'avant, comme s'il ne voyait que ses navires, là-bas, à atteindre et à détruire. Depuis l'arrière, les Achéens nous visaient avec des flèches et des pierres, tandis qu'en première ligne, les nôtres se retrouvaient face à leurs meilleurs guerriers. Nous commençâmes à nous débander, à nous disperser. Polydamas, toujours lui, courut auprès d'Hector. Il était furieux. « Hector, vas-tu m'écouter pour une fois ? Est-ce simplement parce que tu es le plus fort, que tu te crois aussi le plus sage et que tu ne veux pas écouter les autres ? Écoute-moi, la bataille est autour de nous comme une couronne de feu. Tu ne les vois donc pas, tes Troyens, qui s'éparpillent dans tous les sens ? Ils ne savent pas s'il faut revenir au mur ou aller de l'avant. Il faut que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions à un plan, où nous risquons de n'arriver qu'en petit nombre au navire. Et moi, je n'oublie pas qu'il y a encore Achille là-bas, qui nous attend, affamé de guerre. » Il avait raison. Et Hector le comprit. Il revint en arrière, alors, pour rassembler ses meilleurs guerriers, pour reformer l'armée. Et là, il s'aperçut que beaucoup d'entre nous ne s'en étaient pas sortis. Ils avaient été touchés sur le mur. Déiphobos, Hélénos, Othryonos. Il les cherchait sans les trouver. Mais il trouva Paris et se lança sur lui comme si c'était sa faute si les autres avaient disparu. « Les autres, ils sont morts, Hector !» lui cria Paris. « Morts ou blessés. Il n'y a plus que nous pour combattre. Arrête de chercher les morts, tu dois nous prendre, nous, et nous emmener à la bataille, jusqu'au navire. Toute notre force est ici avec toi. Elle te suivra. » Et comme avec Polydamas, Hector fit la même chose avec Paris. Il l'écouta et se lança de nouveau à l'attaque, prenant notre tête et nous entraînant avec lui. Je le vis arriver, couvert de son bouclier, devant tous les autres, avec son casque étincelant qui oscillait autour de ses tempes. Alors je me mis presque à courir vers lui. « Allez, avance, espèce de fou !» me mis-je à hurler. « Tu veux nos navires, hein ? Mais nous avons des bras, nous aussi, pour les défendre. Et avec ces bras, nous vous anéantirons, vous et votre ville. Commence à prier, Hector, car tu auras bientôt besoin de chevaux très rapides pour t'enfuir d'ici et sauver ta peau. » « Mais qu'est-ce que tu racontes, Ajax ? » cria Hector. « Tu n'es qu'un fanfaron et un menteur. Ce jour est le jour de votre ruine, crois-moi, et tu mourras toi aussi avec tous les autres. Viens défier ma lance, elle n'attend que ça. Mordre dans ta peau blanche et te laisser sur la terre de Troie à servir de festin pour les chiens et les oiseaux. » Et sans attendre, il projeta sa lance droit sur Ajax. Il m'atteignit en pleine poitrine. Mais ce n'était pas mon destin de mourir là. La pointe de bronze se planta à l'endroit où se croisaient les deux épaisses sangles de cuir et d'argent, celle de mon bouclier et celle de mon épée. Elle alla se planter exactement là. Alors je me penchai, je pris sur le sol une pierre aiguë, et avant qu'Hector ne puisse se cacher au milieu des siens, je la lançai sur lui avec toute la force que j'avais. La pierre tournait dans les airs, comme une toupie. Elle passa par-dessus le bouclier et atteignit Hector en plein, juste sous le cou. Nous le vîmes s'écrouler à terre, comme un chêne touché par la foudre. Un hurlement. Il s'éleva un hurlement, et c'était le hurlement de tous les Achéens qui se ruaient sur lui pour s'en emparer, pour le mettre en pièces. Mais pas un ne put même seulement le toucher. Nous étions tous là pour le défendre. Polydamas, Énée, Agénor, Glaucos et mille autres qui firent autour de lui avec leurs boucliers une barrière infranchissable. Finalement, je le pris dans mes bras et le portai hors de la mêlée. Je rebroussai chemin jusqu'au mur, puis je traversai le fossé, et je ne m'arrêtai qu'en arrivant à son char. Nous le chargeâmes dessus, puis, très vite, au galop, plus loin dans la plaine, vers l'arrière. Ce n'est qu'arrivé au fleuve que nous nous arrêtâmes. Hector gémissait, épuisé. Nous le déposâmes sur le sol et nous lui versâmes de l'eau sur la tête. Il rouvrit les yeux, se mit à genoux et vomit un sang noir. Puis de nouveau, il retomba au sol, à la renverse. Et les ténèbres obscures descendirent sur ses yeux. Quand je vis qu'il l'emmenait, je compris que c'était le moment d'attaquer. Je m'élançai le premier, entraînant tous les autres derrière moi. Ce fut un affrontement sauvage. Le flot de la mer ne résonne pas aussi fort contre les rochers qu'en souffle avec violence le vent de Borée. Ni aussi fort est le grondement de l'incendie quand il embrase les vallées dans la montagne et dévore les forêts. Rien n'est aussi fort que le hurlement des Achéens et des Troyens qui explosa quand ils se jetèrent les uns sur les autres. Et le premier que je tuai, ce fut Satnios, fils d'Enops, d'un coup au flanc. Polydamas tua Protoénor en lui transperçant l'épaule. Je tuai Archélocos d'un coup qui lui détacha la tête. Acamas tua Promachos. Et pour venger Promachos, Pénéléos attaqua Ilioné et le frappa de sa lance sous le sourcil. La pointe de bronze fit jaillir l'œil. Traversant le crâne, elle ressortit par la nuque. Et Pénéléos alors tira son épée et lui trancha la tête. Puis il souleva sa lance, qui était encore plantée dans cette tête, et se mit à l'agiter en l'air, avec la tête au bout, en hurlant « Troyens, vous direz de ma part aux parents d'Ilioné qu'ils peuvent commencer à pleurer chez eux, parce qu'ils ne le verront plus jamais, le corps de leur fils chéri. » Ce fut quelque chose qui terrorisa les Troyens. Nous les vîmes se débander et chercher des yeux par où s'échapper. Ils sentaient tout proche le gouffre de la mort. Brusquement, ils se mirent tous à courir. En s'enfuyant, ils s'écartèrent des navires, arrivèrent au mur et ne s'y arrêtèrent pas non plus. Ils continuaient à courir, ils traversèrent le fossé, et ce n'est qu'une fois de l'autre côté qu'ils s'arrêtèrent. Verts de peur, debout, près de leur char, épouvantés. Ils me croyaient mort. Ils me virent tout à coup, devant eux, comme un esprit réchappé de l'au-delà, comme un cauchemar qui ne les laissait pas en paix, comme un lion qui avait planté ses dents dans leur chair et à présent ne les lâchait plus. Ils se sauvèrent presque tous, en arrière, vers leur navire. Ne restèrent que les plus forts, les plus courageux. Ajax, Idoménée, Teucer, Mérion. Je marchais sur eux à grands pas, entraînant derrière moi toute l'armée. L'un après l'autre, ils tombèrent sous nos coups. Stichios et Arkésilaos, tués par moi. Médon et Ioas, tués par Énée. Mécisté, tué par Polydamas. Déiocos, tué par Paris, d'un coup dans le dos. Tandis que nous dépouillions les cadavres, eux, ils s'enfuyaient, de toutes parts. Même les meilleurs, tous. Ils retournèrent vers leur mur, mais la peur ne les quitta pas. Et le mur aussi, ils l'abandonnèrent, et firent retraite vers les navires. Je me mis à hurler à mes soldats de laisser les cadavres, les armes et le reste, de monter sur les chars et de se lancer à leur poursuite. La voie était dégagée. Nous pouvions arriver au navire sans même devoir livrer combat. Puis je montai sur mon char et lançai mes chevaux au galop. Nous arrivâmes au fossé, nous le traversâmes. Puis, fonçant vers le mur, nous le franchîmes de toutes parts. Il s'effondra comme un château de sable sous nos assauts. J'étais devant tous les autres et je les vis. Enfin, les navires, là, devant moi. Je lançai mon armée et pour ces navires, elle devint alors mer en tempête et houle éblouissante et marée immense. Nous escaladions les coques, des torches à la main pour mettre le feu partout. Mais les Achéens se défendaient durement. Il y avait Ajax, toujours lui, qui les encourageait et les menait. Il était à la poupe sur un des navires et tuait tous ceux qui réussissaient à monter ou simplement s'approcher. J'allais droit sur lui. Et quand je fus assez près, je visai et envoyai ma lance. La pointe de bronze vola haut, mais manqua la cible, et j'atteignis un écuyer, Lycophron. Je vis Ajax frémir, puis lançai un coup d'œil vers Teucer, sans cesser de combattre. Teucer était le meilleur des archers achéens. Comme si Ajax lui avait donné un ordre, il prit une flèche dans son carquois, tendit la corde de l'arc, et prit la mire sur moi. D'instinct, je levai mon bouclier, mais ce que je vis, ce fut la corde de cet arc se rompre et la flèche tomber à terre et Teucer, épouvanté, rester pétrifié. On aurait vraiment dit un signe des dieux. Un signe propice pour moi et funeste pour les Achéens. Je regardai autour de moi. Ils faisaient rempart autour de leur navire. Ils combattaient serrés les uns contre les autres. C'était une muraille de bronze qui nous empêchait d'avancer. Je cherchais le point faible par où l'enfoncer, mais je n'en trouvais pas. Alors, j'allais là où les armes étaient les plus belles, et ce fut là que j'attaquais, comme un lion qui attaque un troupeau qu'aucun berger ne pourra sauver. Ils me regardaient avec terreur. J'écumais de rage. Les tempes me battaient sous le casque resplendissant. Ils me regardaient et ils s'enfuyaient. La muraille de bronze s'ouvrit. Je les vis courir vers les tentes pour la défense ultime. Je levai les yeux et vis les navires juste au-dessus de moi, proches comme je ne les avais jamais vus. Ajax seul était resté, avec quelques guerriers. Il sautait d'un navire à l'autre, combattant avec une pique d'abordage. Sa voix arrivait jusqu'au ciel quand, avec des cris terribles, il appelait les autres Achéens au combat. Je choisis un navire à la proue bleue. Je l'attaquai par la poupe et grimpai jusqu'au pont. Les Achéens se resserrèrent autour de moi. Ce n'était plus le temps des lances ou des flèches. On luttait au corps à corps. C'était une bataille d'épées, de poignards, de haches affilées. Je voyais couler le sang à flots tout le long du navire jusqu'à la terre noire. C'était la bataille que je désirais depuis toujours. Ni la plaine ouverte, ni les remparts de Troie, mais le flanc des navires, de ces navires-là, tellement haïs. Achéens, guerriers, où avez-vous laissé votre force ? C'était la voix d'Ajax. Là-haut, sur le pont, il continuait de combattre et de crier. Pourquoi fuyez-vous ? Vous croyez donc qu'il y a derrière vous un endroit où vous réfugiez ? Il y a la mer derrière vous. C'est là qu'il est, votre salut. Je le voyais juste au-dessus de moi. Il était couvert de sueur, haletant, il avait du mal à respirer, et la fatigue pesait sur ses bras. Je levai mon épée et d'un coup sec brisai sa lance juste sous la pointe. Il resta là, tenant la hampe de frêne coupée net dans son poing. Au milieu de tout ce vacarme, j'entendis, moi, le bruit de la pointe de bronze qui tombait sur le bois du pont. Et Ajax comprit que ce jour était le mien et que les dieux étaient avec moi. Il recula. Enfin, il recula. Et moi, je montai sur ce navire et j'y mis le feu. Homère, Iliade, d'Alessandro Baricco. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Léo Dussolier, Gabriel Dufay, Clément Bresson et Nora Krief. Musique originale, Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Ossire.